Quand on veut se payer une bonne bouffe, c'est le restaurant Midas où il faut aller. La pizza, les hot dogs qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert avec tous les budgets dans un décor spacieux et très aéré. Et surtout, un personnel courtois qui vous offre un service rapide. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien. Au numéro de téléphone 88-679-0900. Danny et tout le personnel souhaitent la meilleure des chances au comité organisateur des championnats canadiens de vélo de montagne et invite toute la population à participer aux différentes activités. Participé en fin de semaine, ou plutôt hier, à une qualification du US Open amateur. Je parle évidemment du golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard. Il a également participé au Duc de Kent en fin de semaine. Question de savoir comment ça s'est passé. On lui parle. Salut Pierre-Alexandre. Hey, c'est une grosse période pour toi, là. D'abord, on va commencer avec moi, je trouve le plus important, les US Open amateurs. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai joué une ronde de pratique lundi en après-midi. OK. On avait 36 trous à jouer mardi durant la journée consécutive. OK. J'ai bien frappé la balle. Je suis satisfait dans l'ensemble de mon jeu. J'ai perdu quelques coups là sur les verres. J'ai commencé avec trois verres de trois roulés sur le premier okay. Note. Donc ça m'a cassé un petit peu le momentum. J'ai eu de la misère après ça de prendre confiance sur les verres puis de pouvoir faire des beaux potes. Mais en général, j'ai manqué par 7 coups là, de me classer. Okay. Mais c'était pas si loin que ça, là. Je frappais quand même bien, puis on va se reprendre l'année prochaine, parce que une qualification comme le US Amateur, on peut participer à seulement une qualification par okay. année. Donc c'était seulement les deux premiers qui passaient là, pour le okay. gros tournoi. Donc l'année prochaine, on va se reprendre. Est-ce que c'est un circuit qui est difficile, il y a des pièges, est-ce que les Américains sont avantagés? Sûrement, parce qu'ils connaissent le circuit, ils doivent connaître le terrain certainement. Ben, je dirais pas nécessairement. Okay. Les deux personnes qui se sont qualifiées au tournoi à la qualification que j'étais, c'est deux Canadiens. Ah, OK. Donc, il y a un Québécois aussi qui s'est qualifié, Joey Savoie, puis un Canadien, là, Eric Banks. Okay. Mais il y a plusieurs qualifications au travers des États-Unis. Il y a peut-être, entre 75 et 100 qualifications, là, dans chaque état, puis ils vont chercher là, environ deux à trois personnes là, par qualification pour faire le toi, c'était sur le Maine, c'est ça, au Maine, parce que j'ai vu ça sur les médias sociaux, t'étais posé avec ton cadet, c'était-tu celui du Maine que t'as fait, c'est ça? Ouais, c'était un endroit au Maine, à York, okay. dans le Maine, proche de l'océan, à okay. puis on était sur le terrain de Ledge Golf Club, un terrain qui était quand même assez montagneux, qui avait des greens assez grands, très ondulés avec plusieurs paliers. Donc, c'est important de se mettre au bon endroit sur le green. Mais la track, c'est une track de golf quand même assez compliquée. Il n'y avait pas beaucoup de breaks de faire prendre de chance là, pour revenir dans la partie. OK. Et donc, c'est quand même une expérience. De mémoire, je pense que c'est la première fois. Tu participais au US Open amateur? C'était la première fois là, que j'essayais de me tenter okay. pour cette qualification-là. Okay, okay. Là, le Duc de Kent, ça, je sais que ça fait quand même 3 ans que je te suis de près. Il y avait le Duc de Kent en fin de semaine. Ça, c'est un tournoi qui était cher. Évidemment, c'est un des plus gros tournois. Ça va t'aider normalement pour te qualifier pour les championnats canadiens. Ça a bien été jusqu'à la toute fin, je pense, jusqu'au deuxième 9. Hein? Tu étais même en tête, je pense. Effectivement. Ouais. Moi, effectivement, j'ai joué moins 3 ma première ronde au Duc de Kent. Okay. Ce qui me plaçait dans une position quand même favorable, quand même bien à 3 coups de la tête. J'avais pas de stress à avoir là pour la dernière ronde, puis seulement à jouer mon golf. J'ai commencé un très bon premier 9 là, dans ma deuxième ronde. J'étais moins 3 après 5 trous. J'étais capable de prendre beaucoup de momentum, puis j'étais concentré dans les bonnes choses. Finalement, j'ai connu une mauvaise séquence là, sûrement sur les verres, encore une fois, au Duc, entre le 7 et le 13. J'ai commis 2 verres de 3 roulés. Puis, mais j'ai pas lâché. Je savais que j'étais encore quand même dedans. Après 27 trous, j'étais à moins 5. J'étais premier. Et puis il y a Vincent Blanchette qui a joué moins 4 le dernier 9 du tournoi pour remporter à moins 7. Mais moi, j'ai pas lâché, j'ai continué, puis j'ai fait 3 birdies dans les 5 derniers trous pour finalement jouer moins 5. Terminé encore une fois en deuxième place cette année. Mais au final, j'aurais aimé ça gagner, c'est évident. Je sens que ça s'en vient dans les prochains tournois, là, c'est sûr que je vais tout donner, je vais mettre encore le temps nécessaire pour aller chercher une ça, c'est-tu toujours le Duc de Kent, c'est toujours dans la région de Québec, hein? Ouais, c'est toujours au Royal Québec. Royal Québec sur le parcours royal à chaque année, ça fait vraiment. Ça fait plusieurs années. Ouais. Puis c'est encore là cette année. Puis là, demain, tu participes à un autre Omnium. Effectivement, je participe au Québec Open à la fond. Okay. Un tournoi regroupant les meilleurs professionnels un petit peu de partout au Canada, mais particulièrement au Québec. Là, il y a un petit peu de joueurs même des États-Unis qui descendent là, parce qu'il y a des bonnes bourses pour les professionnels. Je pense que Kevin Fortin-Simard est là, hein, je pense aussi. Hein. Je pense qu'il s'est inscrit. Oui, il va être là demain aussi. Là, il joue demain matin aussi. OK. Puis ça, c'est un bon tournoi aussi. Hey, dis-moi, là, t'es quand même bien placé. Michel Lallemand disait que t'étais bien placé pour les qualifications canadiennes. Là, t'es premier au moment où on se passe, c'est ça? Exactement. Il y avait l'Alexandre Diotunis aussi qui comptait là, pour le classement aussi, de la triple couronne. J'ai terminé aussi en deuxième position dans ce tournoi-là. J'ai perdu en prolongation. Terminé au résultat final à moins 4. Terminé avec un bogey là, dans ma deuxième ronde pour aller en prolongation. Mais encore une fois, présentement, je suis en première position pour le classement. Les trois premiers vont faire partie de l'équipe du Québec pour aller au championnat canadien. Mm. Et puis là, il reste le championnat provincial à Asbestos du 26 au 29 juillet pour que je puisse me classer pour le championnat canadien. Mais mes chances sont très bonnes présentement pour le Canadien. Ça, c'est tout. Je devrais être bon pour me... C'est tout au mois d'août, ça, normalement. Mais Pierre-Alexandre, ce qui a peut-être manqué à Kevin, parce que t'es le plus beau talent depuis que Kevin Fortin-Simard est sorti de la région, là, c'est peut-être l'encadrement. Tu sais, ce gars-là allait partout à travers les États-Unis, souvent seul, évidemment. Est-ce que ton encadre, parce que là, tu fais un peu le même principe, toi, c'est plus à travers le Québec, par contre, là, mais à un moment donné, tu vas y aller, là, sur le circuit américain. Est-ce que ça, ton encadrement, t'as trouvé adéquat jusqu'à maintenant? Présentement, je suis très bien entouré. Okay. Ça fonctionne très bien avec mon entraîneur. Okay. On a un entraîneur physique aussi, physiothérapeute, psychologue sportif. Ah oui, vraiment un bel encadrement. On est en équipe, on fonctionne un petit peu en équipe. Là, on est 4-5 joueurs aussi là, qui fonctionnent un petit peu dans le même bateau, puis on travaille avec les mêmes gens. Donc on s'entraide là, justement pour pousser vers le PGA Tour. Okay. L'objectif final, là, le rêve de tout golfeur, mais on travaille ensemble, on est bien encadré, puis là, je prends présentement mon expérience comme il faut avant de me lancer là, au travers les internationalement là, aux États-Unis. Okay. Puis il y a aussi le niveau universitaire qui va être à l'automne aussi, là, que tu vas suivre de près également ce côté-là. Mais ça, je ne serai pas parti de l'université. Ah, OK. Dans le fond, je prends une saison ou deux en arrière. Okay. Pour justement là, me lancer aux États-Unis. Là. Je vais partir dès le mois d'octobre, début octobre, pour me lancer au golf à temps plein. Okay. Je vais essayer ça. Je vais aller dans le circuit du mini-tour encore. Je vais encore être amateur. Je vais tomber seulement professionnel en fin 2016. Mais je vais faire quelques tournois, prendre de l'expérience là-bas, m'acclimater au climat, puis voir c'est quoi un petit peu là, qui va m'attendre pour les prochaines années en tant que professionnel. Okay. Ben bravo Pierre-Alexandre, on va te surveiller de très très près, c'est pas mal de fun, puis on se parle prochainement. Excellent. Le golfeur natif de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard.